les usines, les grandes écoles. Les gens attrapent la pécole. Les petits enfants sont battus. Les petits oiseaux, on les tue. Les intellects bourrés d'orgue, ils se foutent de l'automne et des feuilles. Ils préfèrent les grands dictionnaires, les gros calculs et la grammaire. Les couillons de politiciens, du printemps ils s'en foutent bien. Leur poésie est nucléaire, leurs cerveaux sont pleins de trous d'air. Les psychologues, les chirurgiens, les psychiatres et les médecins font de leur vie une maladie. Ils sont plus fous que la folie. Les architectes créent du moderne. Nous ne sommes plus au temps des cavernes. Grosse HLM, grosse cité. Toute la terre est bétonnée. Comme dirait l'ami la valise, il faut payer même quand tu pisses. Sur terre l'argent a tous les droits. Bientôt nous serons tous des rois. Des quoi? Des rois. Des quoi? Des rois. La vie sera un grand confort. Les prolos gagneront de l'or. Dans de grosses voitures atomiques, ils visiteront l'Amérique. Pourtant les gens sont malheureux, car le ciel est plus gris que bleu. Un beau boulot, métro, dodo. Souvent la vie est un fardeau. Pauvre de moi, pauvre de nous. L'humanité est un grand trou. Craignons de nom, que faut-il faire pour que la joie règne sur terre? Pourtant les gens sont malheureux, car le ciel est plus gris que bleu. Un beau boulot, métro, dodo. Souvent la vie est un fardeau. Pauvre de moi, pauvre de nous. L'humanité est un grand trou. Craignons de nom, que faut-il faire? Ne plus vivre égoïstement. Aimer le vent plus que l'argent. Foutre notre orgueil au couvent. Libérer les petits enfants. Libérer les petits.